paroles. C'est une défi qui me donne. Sexe, drogue et rock'n'roll. Et la pluie qui résonne. Malgré mon charme incroyable, avec des filles j'ai toujours eu du mal. Pourtant je fais tout ce qu'il faut. Je les emmène même au resto. Mais je me prends quand même des râteaux. Pourtant c'est bon, le McDo. Toutes ces balades à la plage. Et les 5 heures à passer à faire ménage. Où entends-tu quand elles viennent chez moi? Putain, t'aurais quand même pu changer tes draps. J'adore le rock'n'roll. Et toutes les filles qu'il me donne, sexe, drogue et rock'n'roll. Et le cri qui résonne. Avec un pote dans le même cas, on a voulu arranger tout ça. Une journée à tourner devant la télé, la star a dit. À Bercy, 10 000 personnes réunies, ACDC en première partie, et nous sur scène, c'est de la folie. Après concert, dans les coulisses, trop de bière et beaucoup trop de pisse. L'odeur de rêve, presque fuir les filles, mi-excitées et mi-timide. Elles attendent que ça, passer la nuit avec moi. Solo. Rock'n'roll et leurs cris qui résonnent.